Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les Fainéants et les tentatives d'invasion irlandaise au Canada. Les Fainéants aux États-Unis vont commencer à amasser de l'argent pour soutenir les organisations secrètes en Irlande même. Et puis, vont finalement, naturellement, amasser tellement d'argent qu'ils vont contrôler les organisations qui existent en Irlande. Ils vont être plus puissants que les organisations irlandaises et il va y avoir un genre de schisme. Ce schisme-là va se traduire en Amérique du Nord par une pensée « attaquons les Anglais le plus près possible de nous autres ». Alors, nous sommes en Amérique du Nord, les Anglais sont au Canada, alors tâchons de prendre en quelque sorte un gage au Canada et ensuite discuter avec les Anglais de la libération de l'Irlande. Et c'est un peu la pensée qu'il va y avoir derrière les différentes attaques que les Fainéants vont faire contre le Canada. L'historien Serge Bernier qui parle de cet épisode des tentatives d'invasion irlandaise au Canada par les Fainéants, ces immigrants irlandais qui vivent aux États-Unis. Cet épisode de notre histoire est un peu passé à l'oubli. Pourtant, ces tentatives d'invasion vont contribuer d'une part à la naissance du pays en 1867 et puis l'action des Fainéants va conduire à l'assassinat du député Thomas D'Arcy McGee en 1868. Un beau matin, D'Arcy McGee reçoit la visite d'un curieux personnage. C'est un journaliste, un homme encore jeune, qu'il avait connu autrefois. Un rebelle de 1848 qui a passé plusieurs années en prison. Il lui expose son plan, il lui demande d'y collaborer, et c'est très simple. Les immigrants américains ont organisé une société secrète qui veut arracher par la force l'indépendance de l'Irlande. On les appelle les Fainéants. Pendant la guerre civile, ils ont pu se procurer assez d'armes et assez de matériel pour créer de véritables formations paramilitaires. Et désormais, ils veulent passer à l'action. Ils veulent traverser la frontière, attaquer le Canada, s'emparer du gouvernement et proclamer la Nouvelle-Irlande. Et tout d'abord, D'Arcy McGee a l'impression que son ancien camarade d'armes est devenu fou. Mais petit à petit, il se rend compte que le projet existe réellement. McGee s'aperçoit qu'il n'est plus un Irlandais dans le véritable sens du terme, qu'il est devenu Canadien. Et plus encore, il fait partie du gouvernement de son pays d'adoption et il doit intervenir même si cela risque d'exposer les Irlandais aux poursuites et aux représailles. Et c'est ainsi que commence le plus dramatique combat de son existence. Les ministres de l'Agriculture se mettent à parcourir le pays d'un bout à l'autre. Ils organisent des réunions d'Irlandais, ils leur expliquent les dangers du fainéantisme. Il s'agit là d'une véritable campagne de propagande qu'un homme seul ne peut mener à bien sans user ses forces. Et D'Arcy McGee s'épuise à un tel point que sa femme craint le pire. Si le combat du député Thomas D'Arcy McGee le mène au bord de l'épuisement, ce combat va surtout conduire à sa mort. Thomas D'Arcy McGee est assassiné par un sympathisant fainéant le 7 avril 1868 à Ottawa. Pour nous raconter l'histoire de ce mouvement fainéant, de ses tentatives d'invasion du Canada entre 1866 et 1870, mon invité, l'historien Laurent Busseau, auteur du livre « Les Fainéants arrivent, histoire illustrée d'une invasion irlandaise à l'origine de la Confédération canadienne ». Monsieur Busseau, bonjour. Bonjour. Elle est à peu près oubliée, cette histoire des Fainéants. C'est vraiment un épisode qu'on a un peu occulté. Et pourtant, c'est un épisode important. Un homme perdra la vie aux mains d'un sympathisant fainéant, Thomas D'Arcy McGee. Le Canada est un peu né dans ce mouvement des Fainéants. Pourquoi? Comment? D'abord, quel impact ça aura, ce mouvement-là? Et pourquoi ce grand oubli, cette amnésie? Alors, pour l'impact, c'est vrai que politiquement, c'est lié à la naissance de la Confédération canadienne qui va être signée le 1er juillet 1867. Mais surtout, c'est la sanction royale de la reine Victoria en mars 1867. Le mouvement irlandais Fainéants, en fait, c'est une peur que le Canada, mais l'Angleterre, va avoir durant cette période entre 1860 et 1870, parce que les Irlandais vont bousculer un petit peu l'ordre établi en tentant justement, alors, dans un premier temps, de déstabiliser l'Angleterre en Irlande. Le projet initial de ces Irlandais c'était de reconquérir le pays en Irlande. Et ensuite, étant principalement émigrés aux États-Unis, eh bien, ils vont se rendre compte que l'Angleterre est juste à côté. Et dans le projet d'envahir donc le voisin canadien britannique, c'est de prendre le contrôle et de négocier avec l'Angleterre la libération de l'Irlande. Attaquer le Canada, c'est à cette époque-là, avant la Confédération, c'est attaquer l'Angleterre, en fait. Oui, tout à fait. Et dans leur esprit aussi, il faut bien comprendre que c'est un processus qui se place dans des enjeux internationaux. Parce que les Irlandais, en fait, sont immigrants aux États-Unis, mais ils vont devenir une force importante de la population au lendemain de la guerre de sécession. Ouais. Et en fait, politiquement, ils vont être assez bien installés sur la côte Est, notamment dans les grandes villes industrielles. Ils sont la main-d'œuvre de base, en fait, et c'est d'ailleurs également le cas à Montréal ou dans les grandes villes canadiennes. Ils vont participer à la construction du chemin de fer, participer à la construction du pont Victoria au Canada, mais aux États-Unis, ils font partie de l'industrialisation des États-Unis et aussi du conflit de la guerre de sécession. Ouais. Alors justement, sur la composition, sur qui ils sont, ces fainéants, un mot supplémentaire. À nouveau, en fait, on entend l'historien Serge Bernier, qu'on entendait au tout début de l'émission, extrait d'une entrevue diffusée en 1981 à l'émission « La défense militaire au Canada ». Maintenant, les attaques arrivent après la guerre civile américaine, et ça c'est intéressant encore une fois, parce que après la guerre civile, démobilisation générale, on assiste en fait à une démobilisation ou à la démobilisation de la plus grande armée de l'époque. L'armée des Nordistes était vraiment l'armée la plus puissante au point de vue du nombre qui existait à l'époque. Et là, des millions d'hommes, comme après toutes les démobilisations qu'on a connues par la suite, 1914-1945, se retrouvent sans travail, ont de la difficulté à s'insérer dans la vie civile. Ça prend un certain nombre d'années avant de réinsérer tous ces anciens combattants. Et là, on retrouve beaucoup d'Irlandais qui se sont battus, soit pour les confédérés, mais en particulier pour les Nordistes, qui étaient de très bons soldats, qui n'ont rien à faire et qui ont de l'argent pour éventuellement organiser quelque chose contre le Canada, et surtout qui ont une pensée politique, parce qu'il y a plusieurs... Surtout après 1848, il y a eu beaucoup de l'élite intellectuelle et politique des Irlandais qui a immigré en Amérique du Nord et ils sont prêts à organiser des mouvements comme ça. Alors, vous l'évoquiez vous-même un peu il y a un instant, Laurent Busseau, mais d'abord, ce sont des gens qui emmènent large pour certains d'entre eux sur le plan économique, mais le contexte de cette guerre civile aux États-Unis qui s'est terminée, c'est fondamental dans ce que va devenir ce mouvement fainéant. Oui, tout à fait. Il faut bien comprendre que le mouvement fainéant prend naissance en Irlande dès 1845 à 1851. C'est la fameuse grande famine et la maladie de la patate. Et c'est ce qui provoque l'immigration vers l'Amérique du Nord de 2 millions d'Irlandais et le décès sur place de 1 million d'Irlandais. Ce sont les réfugiés d'aujourd'hui. Hein. En fait, on reprend le contexte. C'est un désastre écologique majeur qui va pousser des gens à fuir leur pays de gré et surtout de force. Et surtout, ils vont viser l'Angleterre et le pouvoir et la couronne britannique comme les responsables de ce désastre. Donc, au lendemain de la guerre de sécession, effectivement, il y a beaucoup de vétérans qui se retrouvent sans travail, mais il y a que le phénomène fainéant existe déjà avant la guerre de sécession aux États-Unis. Il est créé en 1858 à New York, mais également à Dublin. Et l'idée politique, c'est de créer un nationalisme républicain irlandais pour chasser les Britanniques de l'Irlande, où qu'ils soient. Le premier objectif, au lendemain des guerres de sécession, c'est de repartir vers les Landes et de créer une armée sur place. Donc, la Fainéant Brotherhood, en fait la fraternité des Fainéants, est à l'origine des clubs qui réunissent des sympathisants irlandais à travers les États-Unis. Pourquoi ils s'appellent les Fainéants? Alors les Fainéants, en fait, et c'est là où c'est très intéressant, c'est lié à la mythologie irlandaise qui vient du 3e siècle chrétien. En fait, la Fianne, en fait, c'était des chevaliers mercenaires qui obéissaient au roi d'Irlande. Il faut comprendre que dans l'idéologie, on est dans la mythologie romanesque. Aux États-Unis, on va reprendre cette mythologie des chevaliers errants pour créer la Fania, en fait, les Fainéants, qui est fainéant en français. Et ces Fainéants, en fait, sont des miliciens. Donc, ce n'est pas un corps d'armée au sens où on l'entend comme au Canada ou aux États-Unis. Ils sont plutôt des types miliciens et dans le civil, ils peuvent être appelés à tout moment. Par contre, ils sont majoritairement des anciens vétérans de la guerre de sécession, mais pas forcément. Ouais. Et leurs réunions, en fait, ce sont des clubs. Le premier objectif dès 1858, c'est surtout de ramasser de l'argent pour envoyer des armes et de l'armement et du matériel en Irlande. D'ailleurs, juste à la veille de la guerre de sécession, donc en 1861, vers 1860, on envoie un premier bateau vers l'Irlande avec hommes et armes, interceptés par les services secrets britanniques qui sont très bien organisés et qui, eux, de leur côté, utilisent les Irlandais protestants, notamment les orangistes, pour intégrer les différents réseaux irlandais qui veulent refaire une rébellion en Irlande. Ouais. Plus près de nous, donc, on l'a un peu évoqué dans cette émission déjà, mais leur objectif, c'est d'attaquer l'Angleterre en nous attaquant, nous, au Canada. Est-ce qu'ils pensent vraiment à une invasion? C'est plus une monnaie d'échange? Qu'est-ce que c'est l'objectif? Alors, en fait, au début, le premier objectif, c'est véritablement d'aller en Irlande et d'envoyer tous les moyens possibles pour libérer l'Irlande. Au lendemain de la guerre de sécession, il va y avoir deux groupes qui vont s'affronter à l'intérieur même de cette fraternité des Fenians Brotherhood. C'est d'ailleurs ce qui va désorganiser un petit peu leur attaque contre le Canada. Parce qu'en 1866, c'est très clair, ils annoncent la couleur dans les journaux, dans leurs réunions. À la fin de la guerre de sécession américaine en 65, ils annoncent la couleur. Leur objectif, c'est de lutter contre l'Angleterre. Et tous les Irlandais catholiques qui se trouvent aux États-Unis adhèrent à cette idée. Mmh. Alors, après, il y a le groupe en lui-même qui s'organise en fraternité secrète, qui s'arme et qui surtout utilise les surplus de la guerre. Le gouvernement américain de cette époque, en fait, c'est le président Johnson au lendemain de l'assassinat de Lincoln. Et c'est surtout, en fait, William Seward, en fait, le secrétaire d'État américain, qui va utiliser un petit peu les Fenians comme moyen de pression contre les Britanniques, et notamment, justement, la présence britannique au Canada. Parce que dans le contexte international, la nouvelle puissance nord-américaine, qui est les États-Unis du Nord, donc qui se crée, ont deux puissances européennes en face d'elles sur le continent. Les Britanniques au Nord, mais aussi les Français qui sont présents au Mexique au Sud. Et dans ce cas-là, les États-Unis ont une vision d'expansion territoriale, et les Fenians vont faire partie de ce mouvement-là. Mmh. Donc, il y a un groupe qui va décider d'aller directement chez le voisin canadien, donc en fait britannique, pour envahir le pays, prendre en fait Montréal et d'autres capitales, un petit peu comme ça, c'était un peu le projet de la guerre 1812-1814, anglo-américaine. Oui. Et à partir de là, renégocier avec l'Angleterre carrément la libération de l'Irlande. Avec l'appui tacite, disiez-vous, des États-Unis. Est-ce qu'ils pensent vraiment pouvoir réussir? Évidemment, avec nos yeux d'aujourd'hui, on se dit, mais c'est de la folie. Est-ce qu'ils pensent vraiment pouvoir réussir leur coup, prendre Montréal, ensuite négocier avec la couronne britannique? En fait, pour l'époque, oui. En fait, leur objectif est tout à fait faisable dans la mesure où ils ont amassé à peu près 25 000 hommes de troupes sur les frontières. Ce qui est quand même assez important, étant donné que le Canada en lui-même, au niveau juste milice, il y a 13 000 hommes. Donc à peu près, il y a 5 000 hommes des troupes britanniques, donc venant d'Angleterre. Mais pour les miliciens canadiens, qui ne sont absolument pas formés à faire une guerre, il y a à peu près 13 000 hommes. Et le gouverneur général Monk, à l'époque, dès 1865, et d'ailleurs, en fait, tous les politiciens, et commencé par John Macdonald, ont conscience que les Irlandais sont une menace réelle. Après, dans l'organisation politique et surtout la structure militaire, leur plan d'attaque de quatre provinces d'un seul coup en 1866 était là, par contre, un petit peu, on va dire, aléatoire. Parce qu'il balait, là, du Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba. Oui. Alors, le Manitoba viendra plus tard, mais il faut savoir que l'attaque qui va avoir lieu contre le Nouveau-Brunswick en avril 1866... C'est la première. C'est d'envahir l'île de Campobello, qui est finalement une île qui est discutée entre les Canadiens, les Britanniques et les Américains. L'idée de cette première attaque, et qui était d'ailleurs par le groupe qui avait ce projet d'aller en Irlande, c'était de mettre la pagaille politique internationale entre les États-Unis et les Britanniques. Ça va échouer, mais ça va être le premier feu rouge, enfin la première lumière rouge pour l'Empire britannique d'Amérique du Nord. Et en second lieu, c'est le deuxième groupe qui, lui, a vraiment l'objectif d'envahir le Canada, qui vont attaquer l'Ontario et le Québec, à peu près dans les mêmes périodes, donc on va dire du 2 juin au 10 juin 1866. Et là, l'objectif militaire est clair. Ouais. Pour le Québec, c'est de prendre Saint-Jean. Montréal, et de l'autre côté, c'est d'attaquer directement Kingston et de passer par Niagara Falls, donc Ridgeway. Dans le contexte politique, il faut aussi comprendre que les États-Unis, au lendemain de la guerre de sécession, ont une rancœur, alors là je parle de Washington, ont une rancœur contre les Britanniques et donc leurs voisins canadiens. Ouais. Parce que dans le contexte, en 1864, la frontière, il y a eu des problématiques. Donc, notamment le fameux raid de St. Albans au Vermont, où vous avez 22 soldats confédérés qui ont attaqué le Vermont par le Québec. Et le retour du balancier en 1866, eh bien, c'est que les Fenians vont repasser par le même chemin dans le sens inverse. Oui, bon. Le Canada va donc... Il y aura une grande défaite à Ridgeway, mais sinon, on réussit à repousser les Fenians à peu près. Mais parce qu'on les prend au sérieux. Vous le disiez politiquement, John A. Macdonald comprend très bien cette menace. Il y aura une mobilisation. On mobilise des hommes, là. Vraiment, on les prend sérieux, ces Fenians. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la milice sur la frontière est en état d'alerte constante. Les Britanniques eux-mêmes, leurs troupes sont dans la protection des points forts. Et c'est pour ça que, je parle pour le Québec, le fort de Saint-Jean-Richelieu va être le point culminant où les troupes vont, du côté canadien et britannique, vont s'amasser pour défendre cette position stratégique, parce qu'il y a aussi un point de vue économique. On oublie aujourd'hui, mais Saint-Jean reste encore navigable, mais à l'époque, c'est une voie de commerce très importante avec le lac Champlain entre le nord et le sud. Or, l'attaque irlandaise n'est pas non plus un fait du hasard simplement militaire. Économiquement, couper la route de Saint-Jean et Montréal, c'est aussi prendre le contrôle d'un réseau économique. Donc, dans ce contexte-là, la visée de Saint-Jean en 1866 est en fait une tactique très très bien élaborée. Oui. Évidemment, ça va pas réussir, mais il y a un objectif économique, ouais, aussi. Ils auront quand même un petit moment de gloire en juin 1866, les Fenians, ils débarquent au Québec et pendant deux jours, il y a deux villages, en fait, des cantons de l'Est qui sont occupés. Nous sommes en juin 1866. Même si les habitants de Frelsesburg et des environs ont senti venir l'attaque des Fenians, ni les autorités américaines ni les canadiennes n'ont décidé de protéger la frontière. Résultat, les Fenians entrent au pays, plantent leur drapeau vert, insultent les habitants et pillent les fermes de la région, histoire de passer le temps. À Frelsesburg, ils sont 250 à occuper le village. Fort heureusement, après deux jours d'occupation, des renforts arrivent de Montréal et expulsent les Fenians du pays. Donc, il y aura une manière de République d'Irlande au Canada. Évidemment, ça va durer deux jours, mais en 1866, Laurent Busseau. Oui. Et il faut bien comprendre aussi que dans le contexte, en fait, l'invasion qui va se dérouler sur la frontière du Québec, où Saint-Armand, Fredericksburg vont être envahis, c'est une véritable invasion militaire. On a retrouvé des témoignages de l'époque lors du procès, parce que il va y avoir l'invasion qui va se dérouler entre le 6 juin et le 10 juin 1866. La petite anecdote, en fait, les Irlandais ne sont pas venus piller gratuitement et passer le temps. D'ailleurs, ils émettaient des bons de $100 quand ils recherchaient des chevaux, parce que, en fait, il y a eu du maraudage, mais c'est principalement les chevaux que ces Irlandais cherchaient, parce qu'ils voulaient créer une cavalerie pour aller le plus vite possible à Saint-Jean. Alors, les vétérans et les vrais militaires, notamment le général Perkins Samuel Speer, qui va diriger cette attaque, qui est juste après celle de Ridgeway en Ontario, lui, il est pris par le temps parce qu'il y a un événement politique qui est intéressant. Entre le 2 juin et le 5 juin, l'invasion en Ontario à Ridgeway va être couverte par les États-Unis parce que pendant trois jours, le président américain ne va pas faire de déclaration pour interdire ces invasions. Après le 5 juin, et l'invasion en Ontario a échoué, eh bien, le général Speer se trouve précipité à accélérer le processus au Québec. Et donc, il se trouve pris par un timing et il a besoin de chevaux. Ouais. Donc, le pillage, c'est la recherche des chevaux. Et dans l'état des faits, c'est que la frontière est déjà protégée, est déjà sous surveillance, alors, de policiers, je dirais pas fédéraux, mais de détectives qui sont déjà au service du gouvernement canadien. Ça, c'est fascinant. Les premières activités d'espionnage, au fond, au Canada, ça se passe dans ce contexte-là. Oui, tout à fait. Et on sait pertinemment, en fait, quand l'invasion se fait. Alors, évidemment, on n'a pas le plan exact, mais du côté canadien, on sait exactement que les Fenians, c'est quoi leur objectif, c'est quoi leur stratégie, parce qu'ils sont noyautés par les services secrets britanniques qui informent Ottawa. Et là aussi, il y a une petite ambiguïté parce que sur la frontière, on va pas tout de suite envoyer des troupes pour protéger la frontière, on va laisser rentrer ces Irlandais. Pourquoi ? Alors, Ça, c'est une. Il y a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses et qui reste à confirmer, c'est que il y a un enjeu majeur, c'est la création de la Confédération, qui est déjà sur la table depuis 1864, et c'est toujours au lendemain des guerres de sécession. Le Canada a besoin de s'unir, d'unir des provinces fortes économiquement et militairement. Il faut savoir que dans le même processus de la période, l'Angleterre retire ses troupes parce qu'on sent qu'en Europe, il va y avoir la guerre. D'ailleurs, en 1870, la France et la Prusse vont rentrer en guerre. Mais l'Empire russe a aussi un jeu important. Et donc, les Anglais retirent leurs troupes, mais disent aux Canadiens, on va vous payer un petit peu l'armement et l'instruction. Dans cette période-là, les Irlandais qui rentrent au Canada, donc par l'Ontario et le Québec, sont une menace militaire, mais politiquement, ils vont bien servir John Macdonald parce que dans la signature finale qui va se dérouler en mars 1867 en Angleterre, les provinces maritimes qui n'étaient pas très chaudes à adhérer au Canada uni vont, du part des invasions irlandaises, signer l'acte de confédération qui va arriver au constat du 1er juillet 1867. Donc Macdonald en joue politiquement de cette menace. Il en profite un peu pour faire pression, entre autres, sur ces provinces atlantiques. Tout à fait. Et puis, il y a aussi un enjeu face aux États-Unis, parce que les États-Unis jouent un petit jeu trouble. Et d'ailleurs, au lendemain de ces invasions, c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'en décembre 1866, à Sweetburg, en fait, qui est Cowansville aujourd'hui, il y a un procès des 16 Irlandais qui ont été capturés du côté Québec, à la frontière. Et l'enjeu principal, c'est que les États-Unis envoient par leur consul Potter, qui se trouve à Montréal, le mot très clair, on ne juge pas de citoyens américains dans l'Empire britannique. Vous nous les rendez tout de suite. Or, du côté britannique et canadien, on dit mais c'est pas possible. Et on va réutiliser la loi anti-rébellion de 1837-1838 pour enlever l'habeas corpus de manière à ce qu'on puisse juger directement pour haute trahison, en fait, ces maraudeurs. Le compromis, c'est que sur les 16, 3 qu'on va identifier comme étant nés en Irlande, donc citoyens britanniques, vont être jugés à Cowansville et eux, ils vont prendre pour, en fait, l'invasion. Les autres seront renvoyés aux États-Unis. Oui, comme citoyens. Il y aura des suites diplomatiques. Ça sera entaché. Et de quelle manière les relations, on termine là-dessus, entre le Canada et les États-Unis, cette affaire-là? Alors, entre les États-Unis et le Canada, en fait, ça va être un processus de négociation, alors sur le plan évidemment politique, mais aussi sur le plan économique. Et entre les États-Unis et le Canada, il y a une course-poursuite vers l'Ouest. Et c'est pour ça qu'en 1867, les États-Unis vont alors officiellement racheter l'Alaska à l'Empire russe pour créer leur zone d'expansion par l'Ouest. Ouais. Dans le même processus, les Britanniques et les Canadiens qui en ont conscience créent la Confédération. Alors, parce que justement, d'une mer à l'autre, on veut créer un même pays. Et c'est une course-poursuite pour ça. Et les Irlandais vont faire partie un petit peu de ces entre-gens parce qu'on les retrouve en 1870 au Québec et en 1871 au Manitoba. Laurent Busseau, merci beaucoup de votre participation à l'émission. C'est moi qui vous remercie. Laurent Busseau, historien, auteur du livre « Les Fainéants arrivent, histoire illustrée d'une invasion irlandaise à l'origine de la Confédération canadienne ». Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.